l'absence, la montagne et l'errance, et puis l'ennui. La rivière te ressemble au moins en apparence, tant tu fuis. Le vide t'aurait suffi. Le vide t'aurait suffi. Mais je sais que tu restes dans les fleurs que je te laisse après la nuit. Violence et promesses, c'est tout ce que tu détestes, la mort aussi. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi. Mais je sais que tu restes dans les fleurs que je te laisse après la nuit. Violence et promesses, c'est tout ce que tu détestes, la mort aussi. Le vide aurait suffi. Le vide aurait suffi. Mon cher Julien, tu viens chanter bientôt à Vichy, à côté de chez moi. J'espère que je n'ai pas regretté le prix de mon billet. Je serai là, au milieu de la salle, en parfum inconnu. Peut-être je te verrai, mais tu ne me reconnaîtras pas. Signé Benjamin. Subis mes silences, autour de moi tu danses et moi j'oublie. C'est à toi que je pense, à ta bouche brûlante quand tu souris. Le vide t'aurait suffi. Le vide t'aurait suffi. Dédicace à Julien Doré. Je crois que je vais manger. Tu veux faire un solo vite fait? Je te laisse. Allez, vas-y, fais un solo. Je te le relance. Et maintenant, monsieur Zig à la guitare. Allez, Zig, c'est parti. Je te le relance. 1, 2, 3, 4.